de diviser la religion en politique et charia, en fait, ça, c'est une histoire ancienne que les savants connaissent bien. C'est pour cela que l'Ibn Qayyim, rahimahullah, a dit « Wa taqsimu ba'dihim turuq al-shukmi ila shari'atin wa siyasa ila shari'atin wa siyasa ka taqsimi ghayrihim al-dina ila shari'atin wa haqiqa wa ka taqsimi akharihim al-dina ila aqlin wa naql wa kullu dhalika taqsimun batil bal al-siyasatu wal-haqiqatu wal-tariqatu wal-aqlu kullu dhalika yinqasimu ila qismain sahihun wa fasik. راجع إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 375. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fait, la division que, fait, que font certains de la religion, de, ils disent que la religion est divisée en sharia et politique, ou bien en sharia, c'est-à-dire al-dhahir wa al-batin, c'est-à-dire la science cachée et la science apparente, que certains qui voulaient détruire l'islam ont essayé de, d'établir, et le fait aussi de diviser la religion en raison, en choses rationnelles et en choses si tu veux dicter, tout cela, Ibn Qayyim a dit, c'est une division non acceptée et fausse. Mais la politique, la vérité, tariqa, le chemin, la raison, tout cela se divise en deux groupes, faux et juste. Faux, c'est-à-dire toute chose, on la compare avec la religion, avec le kitab ou le sunnah. Et ce qui est valable, ce qui est superposable à kitab ou sunnah, ça, c'est juste. Ce qui n'est pas superposable est contraire, alors ça c'est faux. La même chose pour la politique. Il y a ce qui est appelé siyasa shar'iyya, il y a siyasa ghayr shar'iyya. Donc ce n'est pas un mérite d'être expert dans la politique, cette politique-là, mais pas la politique qui s'entend bien avec le kitab ou le sunnah. Donc on voit bien que cette phrase-là, les savants ne comprennent pas la politique. Et des fois ils disent, non, nous, on complète les savants. Les savants s'occupent d'un domaine, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la politique, mais on s'occupe de la politique. Et ça, on voit bien que c'est l'erreur. Et c'est ça qui amène tous les risques aux gens. Parce qu'on ouvre la politique aux individus, comme le fait la démocratie, ou bien comme le font certains régimes qui permettent à n'importe quel individu, qu'il soit simple d'esprit, qu'il soit intelligent, qu'il soit inculte, qu'il soit cultivé, qu'il soit kafir, qu'il soit musulman, il peut porter son avis, il peut influer sur la sécurité du pays, sur la politique du pays. Ça, tout le monde sait bien que c'est une erreur. Et c'est pour ça que la politique, que les intérêts du pays doivent en vérité être conduits par les personnes les plus raisonnables, les personnes les plus savantes. Et on voit bien les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans certains affaires, ils ont choisi le plus savant, la meilleure personne. Et s'ils connaissaient de savants, de personnes meilleures que Abu Bakr, ils n'auraient pas choisi Abu Bakr. Et s'ils connaissaient de personnes meilleures que Omar ibn Khattab, ils n'auraient pas choisi Omar ibn Khattab, etc. Donc, ça montre l'erreur de ceux qui font de sorte que l'actualité, qui essaye de persuader les gens que le fait d'être toujours au courant de l'actualité, de suivre l'actualité, c'est comme ça que nous pouvons arriver à déjouer les pièges de l'ennemi. Et nous arrivons au cinquième point. Au cinquième point, relatif à la science et aux savants, c'est ce qui s'appelle fiqh, la connaissance et l'analyse de la science et en vue de l'actualité. D'abord, cette science-là, comme il est prétendu, n'est pas une science. Parce que si c'était une science, où sont les ouvrages des savants qui ont été écrits dessus? Où c'est le savant qui était spécialisé dans le passé, dans fiqh? Et quand, dans la parole de Ibn Qayyim,